tanto con il sorelle Anaïk Merel. Avec Lanzani. Non, avec la sœur Anaïk Merel. C'est bon. Tu aller tout droit? Tout droit. À la gendarmerie. Tout droit jusqu'à la gendarmerie. Mais il va 1m74 minimum, le garde suisse. Donc là, on arrive et on voit la basilique Saint-Pierre, très blanche, gigantesque, à notre droite. Buongiorno. Comme une ville dans la ville, un minuscule état, niché dans la cité romaine, tapis bien à l'abri, derrière des murailles rouges. Aujourd'hui, dans l'ombre du Vatican, troisième jour, de Pierre l'apôtre à Saint-Pierre. Allô, bonjour, Anaïk Merel. Oui, alors on est sous le porche de la basilique et avec des gendarmes qui, j'ai l'impression, ne savent pas très bien où nous emmener. Qu'est-ce que je... Officio Scavi, d'accord, je leur dis. C'est office... Officio Scavi. Officio Scavi, mais non. J'arrive, mais c'est questo... j'espère. Et tibi dabo claves, regni, cello. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. La vie de Pierre l'apôtre et la redécouverte archéologique de son tombeau, comment donner un socle à l'Église catholique romaine en légitimant le pape. Bonjour. Bonjour, Merci. Bonne journée. En réalité, vous auriez dû rentrer par le grand... Oui, de l'autre côté, oui, là, c'est là, ça. Et on... Marcher vers le Vatican à Rome, c'est voir apparaître parfois la coupole gigantesque au croisement des rues. C'est avoir la sensation de rejoindre par de petits cours d'eau une rivière plus large qui mène à la basilique Saint-Pierre. Au fur et à mesure, on est toujours plus nombreux à converger d'un pas tranquille jusqu'aux deux arcs des colonnades du Bernin que les guides inlassablement comparent à des bras accueillants. Des bras qui seraient ceux de l'Église. Une Église qui nous semble pourtant pas toujours aussi accueillante que ça. Et une fois descendu sous la basilique, dans les sentiers de terre rouge de la nécropole, on est alors au plus près de ce qui serait la tombe de Pierre. Et toute la papauté est bâtie là-dessus, sur cette sépulture hypothétique de l'apôtre à qui Jésus aurait confié les clés de la maison. C'est elle qui justifie la basilique de Constantin, qui installe le pouvoir des papes, qui explique la magnificence de la basilique de Jules II, qui fait du souverain pontife l'évêque de Rome et le successeur de Pierre, un pape qui se retrouve par cette histoire relié directement à Jésus. Alors on va revoir là, mais vous êtes en train de marcher sur le... l'hippodrome de Caligula. Parce que les tombes ne sont pas sur la piste de Caligula, elles sont à côté. Alors maintenant on descend. Oui, on va changer de niveau. Là, on est au niveau de Constantin. Alors voilà. Vous venez de traverser un mur, toute cette épaisseur-là, un mur de soutien de Constantin. Sœur Anaïk Merel. Quand lui a voulu soutenir sa basilique qu'on a sur la tête. Il va donc faire cette plateforme de 240 mètres de long pour assurer sa basilique. Alors, ici vous avez un mausolée. Vous voyez qu'ils sont tous tournés vers le cirque. Avec leur tombe après. Ça, sont des tombes païennes ? Oui, tout est païen, enfin sauf une. Voilà. Ça veut dire qu'on est déjà fin du 2e siècle, début du 3e. Si on est riche, on peut demander à un sculpteur de faire une scène qui est la scène de Bacchus. Les murs sont rouges ? Alors, les murs sont rouges, alors ils aiment beaucoup. Parce que, je ne sais pas, pour eux, c'est la couleur des morts. Alors, les fresques, excusez-moi. Ici, on pense que vous avez une divinité égyptienne, ce serait Horus, qui tient en main le sceptre du pouvoir, et dans la main gauche, le hiéroglyphe, symbole de la vie. Et puis, malheureusement, c'est un peu effacé, là, vous auriez une divinité à tête de singe. Donc, cette famille a pris un style égyptien. Alors, et la tombe de Saint-Pierre, elle est où par rapport à ici ? Alors, elle va être par là-bas, enfin, de cette partie que l'on visite. Alors, vous voyez, vous montez 5 marches. Donc là, vous êtes un tout petit boignon, en fait. Ce qui vous indique bien, que la colline est en pente, déjà. Mais donc, on est véritablement dans une ville souterraine. Ah, là. Oui, tout à fait, mais qui était à l'air libre. Bien sûr, à l'époque, oui, voilà. Oui. Souterraine aujourd'hui. Alors, on va commencer. Bon, parce qu'on va faire un sens unique. Là, on est environné de murs rouges, voilà, de morceaux d'architecture. Exactement. On croise des tombes, des nécropoles, on voit des morceaux de mosaïque, un peu de fresques. Il y a tout, il y a des petites ruelles, en fait. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, la partie la plus antique, c'est cette partie-là. Vous voyez, regardez sur le plan. On va faire comme ça. Vous voulez bien le tenir? Bien sûr. Voilà. Donc là, on est dans on va une visiter, longue allée. Voilà. On visite 70 mètres de... Le boyau. De ça. Et on va voir tous ces mausolées-là qui sont à droite, ce sont ceux-ci. Hein. Et vous pouvez admirer, regarder les belles briques, hein, parce que c'est des briques du IIe siècle. Enfin, des briques très d'admiration. Oui, plus elles sont fines et plus elles sont antiques. Alors, la chose étonnante, d'abord, c'est que c'est le mausolée où vous allez pouvoir rentrer. Donc les autres, après, vous les verrez par des portes. On va même passer par là, si vous voulez. Donc là, on est dans le mausolée d'Ifania Redempta. Voilà, et donc on arrive, on passe une marche, et là, il y a un sol de mosaïque avec des oiseaux sur le sol et un vase. Exactement, parce que là, on est dans la partie réservée à la famille propre. Mais ils se sont fait un atrium par devant, parce qu'ils tiennent à ce que leurs serviteurs et leurs esclaves soient sur le même terrain, mais pas avec eux. Donc vous voyez, la partie qui est pour eux est toute décorée de fresques. Oui, donc là, on est dans un petit monument où il y a au-dessus de nous une voûte qui est peinte. Et donc, dans cette chambre funéraire, il y a des petits frontons qui sont peints de fresques très délicates. On voit des oiseaux, on retrouve les couleurs de Pompéi. Donc là, on est encore sur des tombes païennes. Je vous dirai quand on aura là le mausolée chrétien. Il n'y en a qu'un. D'accord. Donc, voilà. Regardez la voûte, vous aviez le dieu soleil sur son char. Par contre, cet escalier, vous voyez, en réalité, cette famille avait un grand désir de venir trouver ses morts. Oui, on pique-niquait parfois sur les... Oui, alors vous allez voir qu'il y en a deux, parce que là, ces deux mausolées ont donc un étage au-dessus pour manger, faire ses repas. Dans l'escalier interne, pour pouvoir monter et descendre entre l'étage du dessus et l'étage du dessous. Et puis une amphore. D'abord, il y avait des repas. Et puis il y avait des parfums aussi qu'il fallait mettre pour les morts, etc. Il y avait des rites funèbres. Et vous savez que les deux fleurs principales pour les morts sont les violettes et les roses. Alors là, c'est la famille la plus grande, la plus riche, la plus importante, la plus puissante, et elle possède un puits. Parce que pour tous ces repas, etc., il faut pouvoir nettoyer. Et il y a aussi, vous pouvez aller jusque là. Oui, regardez le pan là. Le pan au milieu d'un champ de fleurs. Et puis les petits oiseaux là-bas aussi sont très... Oui, il y a des pigeons, des hirondelles peut-être. Alors, à tel point, il devrait y avoir un cygne aussi quelque part. Il y a aussi du rouge, de l'ocre, oui, vous voyez, du pourpre. Et voilà. Alors maintenant, vous allez voir que la surprise, c'est le mausolée chrétien. L'art chrétien n'est pas encore né. Donc, on prend encore des modèles païens. Donc, pour faire monter le Christ au ciel, eh bien, on connaît qu'Apollon qui s'élève avec son cheval. Donc, vous allez voir Jésus à cheval. Vous lèverez la tête et vous verrez. Et en face de vous, vous voyez qu'il y a un pêcheur à la ligne qui pêche deux poissons. Or, Tertullien vous dit que les baptisés sont comme des petits poissons pêchés par le Christ. Alors maintenant, vous donnez juste un aperçu pour que vous compreniez. Parce qu'on va y aller maintenant, on va tourner tout autour de la tombe. Ben oui, voilà, on va arriver. Est-ce que, attendez, que je trouve le bon schéma. C'est celui-là. Vous êtes face au champ des pauvres. On va aller à la tombe, de l'autre côté. Alors maintenant, on va rentrer par cette porte pour arriver latéralement, pour l'instant, à la tombe de pierre. Vous êtes sur le côté du champ des pauvres, là. Donc là, on aurait la vraie tombe de pierre, c'est-à-dire la pauvre cavité où on dépose son corps. À présent, dis-nous les choses que nous brûlons d'entendre. As-tu vu Pierre ? Oui, comment va notre pêcheur d'or ? Je l'ai manqué chaque fois que je comptais le voir. Partout où je passais, Pierre était passé avant moi. Oh. À Antioche, les uns disaient qu'il s'était rendu à Jérusalem. Les autres racontaient qu'il était en Perse ou en Orient. Finalement, à Corinthe, j'ai appris qu'il allait venir ici et qu'il serait parmi nous d'un jour à l'autre. Pierre à Rome ? Je n'en crois pas mes oreilles. Quel bonheur ! Enfin pouvoir parler à un homme qui a vu le Christ, notre Seigneur. Les graines ont germé que Pierre a semées. Déjà les tiges verdissent, la nouvelle moisson sera riche. J'ai vu partout des inconnus approcher et dessiner le signe du poisson devant mes yeux. Nous avons parlé de la tâche immense qui nous attend. La tâche est difficile et dangereuse de nos jours, Paul. Depuis que tu as été traduit en justice et bien que l'on t'ait acquitté, les chrétiens sont constamment soupçonnés. Sous la basilique, longeant les monuments, les mosaïques et les statues païennes, on suit la frêle silhouette en robe et voile blanc de sœur Anaïck Merel. Complètement habité par cette cité des morts et son histoire, l'archéologue se faufile avec agilité entre les tombes, malgré l'âge et la pénombre. Elle a même tendance à nous semer. Bref, on se retrouve avec cette femme souriante au teint diaphane devant ce qui serait la tombe de Saint-Pierre. Un apôtre proche de Jésus, mais un taiseux, qui disparaît du texte sans laisser de traces. Un homme qu'on aime imaginer bougon ou au contraire débonnaire, en tous les cas toujours barbu, mais surtout inconnu. Qui était Saint-Pierre ? D'abord, j'enlèverai le saint. Je pense que quand on prend ces hommes sur le terrain, dans leur action apostolique, il faut les prendre comme on les comprenait à l'époque. Il y a Pierre, il y a Paul, il y a André. Donc, parlons de Pierre. Pierre qui a un triple nom, ça aussi, c'est compliqué. Marie-Françoise Basselaise. Donc, Pierre était Simon de son nom de naissance, ce qui est un nom polyvalent. Le nom de Simon était un des noms privilégiés portés par les Juifs hellénisés. Ce Simon est devenu Képhas en araméen, et c'est toujours comme ça donc que Paul l'appellera. Et Képhas, le roc en araméen, devient Petros et Petra en grec et en latin. En fait, il est connu sous son surnom, un surnom que les évangiles font remonter donc à Jésus. « Tu es Pierre, tu sais Pierre, je bâtirai mon église », qui est assez fréquent à l'époque. Changer de nom, porter un nom hautement symbolique, évidemment, c'est une sorte de label prophétique. C'est labelliser sa mission prophétique. Quelle était sa vie ? On pense qu'il a été pêcheur. Quelle a été sa vie avant ? Comment est-ce que s'est passée cette rencontre avec Jésus ? Faisons de la sociologie. Qu'est-ce que c'est qu'être pêcheur sur le lac de Tibériade à l'époque ? Il y a des patrons pêcheurs, il y a des petits arbateurs, il y a ceux qui pêchent la bouillabaisse. Pierre, enfin Simon, Pierre et les autres. Il y a même, ça a été étudié, ça aussi, le lexique employé dans l'évangile de Jean, dans le quatrième évangile, pour dépeindre ce milieu, ferait plutôt allusion à des patrons pêcheurs. Stand up, boy. You look pretty weak to be a fisherman. But maybe you'll do till somebody else turns up. Come on. Alan? I'm long on temper, short on help. If this boy hadn't got caught in the storm, I wouldn't even have him. I'll make as good a fisherman of him as John and James. You see that he gets cleaned up. Here's some fish for us. Mais vous savez, c'est un petit pays, la Galilée. Donc, ils reviennent chez eux. Quand on sollicite Jésus pour sa belle-mère atteinte de fièvre, donc on est revenu à Capharnaüm. Paul nous précise que certains des apôtres ont voyagé avec leur famille. Ce fut peut-être le cas de Pierre. Mais il ne faut pas voir un groupe continu. On allait, on suivait, on tournait chez soi pour faire les moissons, ou pour pêcher, ou pour soigner sa belle-mère. C'était ça, hein. Il n'y a pas du tout de vie communautaire. Il y avait ceux qui allaient et venaient pour l'écouter. Il y avait les disciples à proprement parler qui étaient plus constamment auprès de Jésus. Mais la question est aussi de se demander dans quelle mesure c'était structuré en groupe. Il y avait des mécènes, il y avait des bailleurs de fonds, des femmes qui sont citées dans les évangiles, qui suivaient, qui apportaient un soutien matériel et un soutien financier. La question qui se pose, bon, c'est vrai que dès Paul, c'est quand même le témoignage le plus ancien, chrétien le plus ancien que nous ayons, hein, lui reconnaît donc le rôle et l'autorité d'un chef. Et dans ce groupe des 12, se pose aussi la question de la fonction de Judas. Est-ce qu'il avait une fonction de institutionnaliser en quelque sorte, de trésorier, gestionnaire de la bourse commune, comme on le connaît dans les associations de l'époque, auquel cas, donc on pourrait penser que les 12 avaient déjà constitué une association de disciples de Jésus et fonctionnaient en communauté. Jesus Christ, Jesus Christ, who are you, what have you sacrificed? Jesus Christ, superstar, do you think you're what they say you are? At the top. Now who'd you think besides yourself was the pick of the crop? Buddha, was he where it's at? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain or was that just PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Parlons aussi de Jésus. Celui qui prêche en Galilée, en Judée, c'est Jésus. Le Christ, c'est la reconnaissance qu'en ont ses disciples et ensuite ses fidèles après sa résurrection. Il n'y a pas eu un acte de foi collectif de tous les disciples de Jésus à Jérusalem, dans Jésus ressuscité. Différents groupes chrétiens ont reçu chacun leurs apparitions post-pascales, comme on dit, et ont fait leur acte de foi dans la résurrection. Donc, Simon, Képhas, Pierre, et apparaît à la tête de ce groupe des 12, qui est un des groupes des disciples de Jésus, donc un des premiers groupes chrétiens, mais c'est anachronique encore de parler de chrétiens, bien entendu, un des premiers groupes donc qui se constitue. Il n'y aura jamais, même au lendemain de la mort de Jésus, ou au jour de la Pentecôte, il n'y aura jamais donc une communauté unique des disciples et des fidèles de Jésus. Il y a des groupes, et Pierre donc est à la tête du groupe des 12. C'est une figure. Il est évident que dans les évangiles, il est posé comme figure fondatrice, celui qui exprime les actes de foi, les principes fondamentaux, principaux. Tous les actes de foi sont de Pierre dans les évangiles. Donc la figure de Pierre dans les évangiles, c'est le premier des croyants, je dirais. Et pour justifier donc le fait qu'il est le dépositaire de l'autorité du Christ sur terre, je délirai ce que tu déliras, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ça, c'est la figure telle qu'elle est construite dans les évangiles, la figure du fondateur. C'est le premier à reconnaître Jésus comme fils de Dieu. Et c'est le premier donc à lui reconnaître ce pouvoir de vaincre le mal. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage permettant de le mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. Les faux témoins ne manquaient pas contre lui, mais leur témoignage ne se recoupait pas. Pierre était en bas dans la cour du palais. Une servante du grand prêtre le vit en train de se chauffer. Elle le dévisagea et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Nazarénien ?» Mais il nia. « Je ne le connais pas, je ne sais pas de quoi tu parles. » Et il sortit sur le porche. Un coq chanta. « Il fait partie de la bande ?» répétait la servante. Mais Pierre continuait à nier. Au bout d'un moment, ceux qui se trouvaient là lui dirent « C'est sûr, t'en fais partie. D'ailleurs, t'es galiléen. » Il jura. « Je ne sais même pas de quel homme vous parlez !» Pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se rappela ce que lui avait dit Jésus. « Avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et il éclata en sanglots. À chaque fois qu'il y a un moment important à vivre, c'est Pierre qui ressort. Anaïk Merel. Donc, en particulier, quand Jésus lui dit « Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et en particulier pour le martyr, « Maintenant, tu es jeune, tu te peux t'habiller, tu mets ta ceinture toi-même. Quand tu seras vieux, tu devras étendre les bras, et un autre te mettra ta ceinture. » Et ça, c'est déjà le symbole. Enfin, on considère que c'est le symbole du martyr, où il est étendu sur la croix avec les bras écartés. Mais il ne domine pas les autres à ce moment-là. Il est au milieu des autres, sinon que Jésus le choisit à chaque fois. Et il le renie aussi. Hein. Et au moment où Jésus le regardera, au moment où il passe pendant sa passion, ce sera son regard qui va faire qu'il regrette ce qu'il a dit. Et on vous dit qu'il éclate en sanglots. Et à ce moment-là, c'est le moment de la conversion totale. Et justement, comment vous l'imaginez, vous, Pierre? Quel genre de personnalité vous voyez associé à ce personnage? Alors, moi, je dirais que ce n'est pas un grand intellectuel. C'est un bon pêcheur de Galilée, mais qui est propriétaire de sa barque, puisqu'après, souvent, dans l'Évangile, on dira que Jésus dit « Prends ta barque » ou bien « Il monte dans la barque ». S'il monte dans la barque, ça veut dire que la barque, elle a son propriétaire à côté, sinon il ne pourrait pas se permettre. Donc on pense bien que quand il suit Jésus, alors lui, il laisse tout, puisqu'on parle aussi de sa belle-mère. Donc ça veut dire qu'il a eu de la famille à Capharnaüm. Donc il laisse tout pour suivre Jésus. Ce n'est pas Saint Thomas d'Aquin, je veux dire, ce n'est pas un grand théologien. C'est un homme qui donne complètement sa vie pour suivre le Christ, qui a été marqué par... sans doute le visage du Christ, l'appel du Christ. Simon, Andrew, John, James, come, follow me, and I will make you fishers of men. Il est un peu comme nous. il a renié le Christ trois fois et pourtant il l'a suivi après magnifiquement, c'est ce qui nous est relaté. Moi, je n'ai pas toujours été croyant et donc je me retrouve totalement dans les impulsions aussi de Saint-Pierre, dans les reniements de Saint-Pierre, mais aussi à la suite du Christ comme l'a été Saint-Pierre, vraiment. Oui, c'est très belle personnalité, très très belle personnalité. On a tous cette image en tête de Pierre, donc crucifié, la tête en bas. D'où nous vient cette image-là? Le 4e siècle. Alors, c'est lié à la pratique des pèlerinages, avec désormais donc une basilique qui est toute petite à l'époque. Hein, c'est pas la grande basilique. Marie-Françoise Basselès. Mais donc, il y a quand même une basilique. Donc, à ce moment-là, on complète ce qu'on appelle les actes apocryphes des apôtres, une histoire de la mission de Pierre, comme une histoire de la mission de Paul, qu'on essaie donc de suivre les apôtres sur leur route de mission. Et donc, il n'y avait pas la fin, il n'y avait pas la passion. Et c'est au 4e siècle, donc, qu'on rajoute l'épisode de la passion, du martyr, et avec donc des sites qui deviennent des sites pétriniens, par exemple la prison, le baptême par Pierre de ses geôliers en prison, qu'on verra tout de suite reproduit sur des sarcophages, etc. Son exécution, donc crucifié au cirque, tout cela donc se met en place, ces récits se mettent en place au 4e siècle, pour fournir donc un guide de pèlerinage à ceux qui viendront en pèlerinage. Alors il faut dire donc que les fouilles menées dans les années 50 ont montré qu'il y avait bien un cirque et donc un lieu d'exécution possible près du Vatican. Soyez fort, ainsi qu'il l'a été, ce ne sera pas long. La paix soit sur nos martyrs. Pierre. Paix, paix aux victimes. Reprends tes enfants, Seigneur. Calme leurs maux, apaise leurs souffrances. Insuffle-leur la force, ô Sauveur. Emparez-vous de cet homme. Bénis soyez-vous, mes enfants, qui allez mourir au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, aujourd'hui même, vous allez le retrouver au paradis. Là où l'empereur aujourd'hui règne, demain le Christ à tout jamais règnera. Qui est cet homme-là? C'est lui qui les dirige. C'est un pêcheur du nom de Pierre. Nous n'avions pas pu l'arrêter. Pierre aurait pu être enterré tout seul après tout. Mais on trouve quand même un petit noyau du temps de Néron où un morceau de terre va être attribué aux gens pauvres qui demandent d'avoir une fosse et d'être couverts par de la terre cuite. Voilà. Et c'est, après, ce sont les autres qui ont voulu être enterrés surtout à côté de Saint-Pierre. Donc cette nécropole se développe surtout sous la fin de Trajan, sous Adrien et sous Antoine le Pieux. Donc c'est donc plus tardif. Et alors, on sait que Constantin, quand il choisit d'édifier sa basilique, choisit a priori l'emplacement de la tombe de Saint-Pierre. Ah oui, alors là, vous allez voir que tout ce qu'il va faire, et il va faire même des sacrilèges, parce que normalement, on n'a pas le droit de toucher une nécropole. Et lui, pour faire sa basilique, mais pour garder le niveau de la tombe de Pierre, ce niveau étant indiqué par un petit monument, que vous allez voir aussi, qui s'appelle un trophée, on pense date des années 160, donc ça, c'était encore tout ça dehors, à l'air libre, etc. Et la situation reste comme ça jusqu'à Constantin. Mais lui trouve que c'est pas assez beau, donc il va couper les murs qu'il gêne et il va englober ce trophée dans du marbre. Mais il veut que tout le pavement de sa basilique soit au niveau de la tombe de Pierre. Donc il le sait, lui, que la tombe de Pierre est là. Alors à ce moment-là, il va passer sur la nécropole. La nécropole est sous la basilique. Eh bien, les mausolées qui sont trop hauts, il va les couper. Ceux qui seraient vides, il va le remplir de terre. Parce qu'il doit, pour sa basilique, faire une plateforme de 240 mètres de long. Et en fait, il est à flanc de colline. Voilà, sur une colline qui est en pente et qui a 14 mètres de dénivellation au total. Donc, vous pouvez comprendre ce qu'il entreprend comme travaux pour faire quelque chose de plat, qui va soutenir donc sa basilique, sur quelque chose qui est en pente. Et alors, est-ce que c'est aussi justement le fait que ça a été si compliqué, qu'il ait fallu faire de telles prouesses architecturales pour construire cette basilique, qui est un autre indice que c'est bien l'emplacement de la tombe de Saint-Pierre? Exactement, oui, c'est lui, il insiste, enfin, en se convertissant, on va dire comme ça, parce qu'il n'est pas encore baptisé, normalement, il entreprend, vous savez, de faire 7 basiliques cimetières autour de Rome, sur les corps des saints. Donc il est vraiment pris par cette nécessité de faire un éloge aux saints, les vénérer, etc. Donc la plus importante, évidemment, est celle de Pierre, après celle de Paul, puis après vous avez Saint-Laurent, Saint-Agnès, Saint-Sébastien. Alors en passant, vous allez regarder cette maquette. Et elle date de quand, c'est la basilique alors, de Constantin? Elle vient des années 325, enfin le temps du 4e siècle. Oui, c'est ça. Alors, la structure, vous voyez, de la basilique constantinienne est à colonnes, ce qui lui donnait un aspect beaucoup plus léger, un peu plus mystérieux aussi. Ça vous fait comme une forêt de colonnes. Alors maintenant, vous allez bien la regarder, parce que quand vous entrez dans une basilique, enfin dans une église, qu'est-ce que vous attendez à voir dans l'abside, le chœur, je ne sais pas, l'autel. Et regardez bien là, et vous ne voyez pas d'autel, vous voyez deux monuments. Et celui-là, que fait-il? Alors c'est pour ça qu'il faut regarder les deux maquettes en même temps. Il ne fait pas autre chose que d'englober le trophée. Il y a la tradition locale, telle qu'elle est consignée, mise en forme pour la première fois au 4e siècle de notre ère, toujours à l'époque de Constantin, nous montre donc un Pierre crucifié dans un cirque, dans un lieu de spectacle. Donc là, les fouilles ont permis d'identifier que la nécropole sous Saint-Pierre du Vatican, la nécropole du Vatican, était tout près, effectivement, donc du cirque de Néron. Donc on pouvait très bien admettre, comme pour Jésus d'ailleurs à Jérusalem, on enterrait les condamnés le plus près possible donc du lieu de leur supplice. La plupart du temps, donc, le mort est inhumé sous une sorte de petite, dans une fosse, bien sûr. Cette fosse, donc, était surmontée de tuiles appareillées comme des petits toits. Donc, ça, c'était bien un signe distinctif, mais extrêmement fragile, extrêmement précaire, sans inscription, etc. Donc, tout cela va avec l'enterrement d'un très modeste, d'un condamné tout près du lieu de son supplice. Un grand réaménagement donc a lieu dans la seconde moitié du IIe siècle. C'est-à-dire qu'on a construit un mur, ce qu'on appelle le mur rouge, pour protéger, isoler l'emplacement d'une sépulture, et qu'ensuite cette sépulture donc très fragile, très précaire, a été marqué par un petit monument en marbre, un petit monument commémoratif en marbre, donc beaucoup moins périssable. C'est là donc qu'on peut parler d'un lieu de la mémoire, mémoire chrétienne, puisqu'ensuite on incite à venir en pèlerinage et c'est Saint-Pierre du Vatican qui sera construit dessus. Donc on passe, si vous voulez, de la tombe anonyme au lieu de mémoire, et protégé, isolé, protégé. Et ensuite, ce lieu de mémoire va devenir un pôle repère. Les tombes vont s'orienter donc en fonction de ce petit mémorial, signalant donc un phénomène d'attachement et d'appartenance. Donc, c'est ce mémorial apostolique, ce souvenir apostolique, le plus ancien lieu et objet de mémoire de la mémoire chrétienne, donc, qui a localisé la construction d'une basilique sous Constantin, au Vatican. C'est toi qu'on appelle Pierre ? C'est moi, Simon, que l'on appelle Pierre. Des témoins ayant rapporté que Pierre cherchait à prêcher la rébellion et blasphémer contre la souveraineté et la divinité de l'empereur, il est décrété en conséquence qu'on le mènera sur la colline du Vatican, où, selon l'aveu des témoins, il a fait son premier sermon. Et où, pour le punir, il sera crucifié et exposé à titre d'avertissement pour tous ceux qui, à l'avenir, voudraient s'intituler chrétiens. Mourir sur la croix comme notre Seigneur est une fin dont je suis indigne. Si tu veux, nous nous chargerons de cela. This is the bus. Hop on, hop up. We have a 10 stops. You are here in the Vatican. Number 9 is Castel Sant'Angelo. Number 10 is Ponte di Trevi. Number 1, Spanish step, Villa Borghese. Number 2, Piazza Barberini. C'est sur l'ancienne basilique de Constantin qu'on a construit au XVIe siècle la nouvelle basilique Saint-Pierre, conçue par Bramante et Michel-Ange. C'est celle que l'on visite aujourd'hui, après avoir franchi les barrières qui bordent la place et signalent l'entrée sur le territoire du Vatican. C'est donc derrière les barrières, sous l'œil des gendarmes, que restent les vendeurs de perches à selfie, de capes de pluie et de jouets d'enfants à 2 euros qui collent, clignotent, stridulent ou rebondissent. De l'autre côté de la barrière, quelques rares vendeurs privilégiés ont le droit, eux, de se tenir sous la colonnade à l'ombre, un petit panier d'osier autour du cou, pour vendre en territoire sacré des rosaires et des chapelets fabriqués en Chine. La queue pour accéder à la basilique est interminable, elle fait le tour de la place. Dans la foule, des touristes, des pèlerins, des groupes d'enfants en casquettes rouges auxquels l'institutrice raconte comme une certitude que c'est Néron qui a ordonné le martyre de Saint-Pierre. Et bien sûr, des familles romaines endimanchées, souliers vernis, chemises repassées, dentelles noires, maquillage des grands jours et enfants gominés, l'arrêt sur le côté. Rosario Papa Francesco, tutto a posto? Prego, 12 Rosario Messiero, 1 euro Rosario. Donc maintenant, il faut faire un effort d'imagination pour imaginer Maëlys Godmel. Le Vatican pendant la colline du Vatican pendant l'ère chrétienne. Alors, donc, il faut imaginer à la place de la basilique une colline, et puis à la gauche de la basilique actuelle un cirque, donc le cirque de Caligula et Néron. Alors sur ce cirque, il y avait des courses de chars, et les gens suivaient de la colline du Vatican. Voilà, alors vous savez qu'en 64, il y a eu l'incendie de Néron. Enfin, on dit que c'est Néron qui a mis le feu à toute la ville. Et puis, il a fallu qu'il trouve un bouc émissaire, des coupables, on va dire. Donc, plusieurs chrétiens vont être martyrisés sur ce cirque, et notamment Saint-Pierre, donc, qui va être crucifié la tête en bas. Voilà, donc pourquoi construire une basilique à cet endroit même, on comprend mieux du coup, puisqu'il y avait une nécropole juste derrière le cirque. Donc on va enterrer au départ Saint-Pierre à cet endroit-là. C'était une nécropole païenne. Donc cette basilique, elle était beaucoup plus petite que celle que vous voyez actuellement. Il y avait un atrium devant, où il y avait une fontaine pour que les pèlerins puissent s'abreuver. Puis la fontaine, c'était aussi une marque de purification avant de rentrer dans l'église. D'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, il y en a encore deux. Et puis donc, cette basilique constantinienne, elle va perdurer pendant 11 siècles. Et il a fallu attendre, donc, quand les papes sont revenus au Vatican, donc vous savez que pendant près d'un siècle et demi, ils étaient à Avignon. Après, ils s'installent au Vatican, et donc c'est Jules II qui va vraiment prendre le projet en main. C'est-à-dire qu'il va faire des travaux donc, sur tout l'endroit des musées du Vatican. Et puis pour la basilique, donc reconstruire toute cette basilique. Donc les travaux commencent en 1506. Pendant près de 120 ans, une vingtaine de papes vont se succéder, une dizaine d'architectes. Donc voilà, dans la basilique, après à l'intérieur, on va retrouver en fait plusieurs époques qui se succèdent. Alors, donc Jules II, lui, il veut concilier un petit peu deux bâtiments. C'est-à-dire qu'il veut concilier la basilique qui est sur la basilique de Constantin, qui était sur le Forum, donc qui était là un lieu simplement de rencontre au départ. Et il veut concilier le Panthéon d'Agrippa. Et c'est ce qui va arriver à donner donc, à cette basilique que ce soit vraiment un lieu d'accueil pour les pèlerins. Ensuite, donc, le pape Sixte Quint lui va faire déplacer l'obélisque que vous voyez ici actuellement sur la place, qui était avant sur le cirque de Caligula et Néron. Alors simplement, d'ici, vous pouvez apercevoir une partie en tout cas, des appartements pontificaux. Donc c'est l'immeuble là, que vous voyez juste au-dessus. Donc c'est là où le pape fait son Angelus tous les dimanches à midi. Il se met au dernier étage, l'avant-dernière fenêtre. Et donc voilà, tout le monde est sur la place et donne sa bénédiction. Puis on est accueilli par les deux saints que vous voyez, vous en voyez en tout cas un, vous voyez Saint-Pierre, avec ses deux clés. À gauche, là, le plus grand personnage tout seul. Alors on dit qu'il a deux clés, une pour lier et une pour délier les cieux. Ça fait référence à la phrase du Christ qui dit à Saint-Pierre: je te donne les clés du royaume des cieux. Tu liras sur la terre, sur la vie et dans les cieux. Voilà, c'est ça, exactement. Donc cette phrase, vous la retrouvez après dans la coupole, et puis le long de la nef, avec tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc c'est toutes les différentes directives que le Christ donne à Saint-Pierre. Donc voilà, les clés du royaume des cieux, les clés de l'église, donc c'est le symbole sous la papauté. Et puis il lui dit aussi « Paix mes brebis ». On va retrouver plusieurs bas-reliefs dans la basilique qui représentent cette scène. Donc, c'est-à-dire que le Christ demande trois fois à Saint-Pierre « Pierre, m'aimes-tu ?» Et donc on sait aussi que Pierre a renié trois fois le Christ. Donc ça montre que le Christ lui pardonne et lui donne, donc lui dit « Paix mes brebis ». Donc occupe-toi en fait de mes brebis. C'est là où vraiment il lui confie en fait toute la charge du pape. Ce qu'on appelle le pape aujourd'hui. Et puis on va retrouver aussi, notamment sur les portes du narthex, Saint-Pierre cette fois qui donne les clés à un autre pape, donc pour montrer tout le lien qu'il y a entre les papes, toute la lignée de Saint-Pierre. À la mort du pape Pie XI demande d'être enterré au plus près vraiment de la tombe de Saint-Pierre. Et donc le pape qui le succède, donc Pie XII, va décider d'entreprendre les fouilles. Et donc, il faut attendre 1939 pour qu'on fasse vraiment des fouilles, pour qu'on vérifie qu'il s'agit bien de l'apôtre Pierre. On trouve sur Internet un joli petit film muet des années 30. Un film où l'on voit des hommes, presque des acrobates, attachés à des cordes. En pantalon de toile et chemise blanche, un foulard noué sur la tête à la façon des pirates, ils escaladent la coupole de Saint-Pierre. Ils sont des dizaines, ils ont de l'allure, ils bombent le torse et ils ont un grand panier d'osier sur le dos. Dans leur panier, des lampions et des bougies qu'ils déposent délicatement sur de petits supports fixés du haut en bas de la basilique. Et comme le film est accéléré, ils semblent presque danser autour de la coupole. Et puis soudain, c'est le soir, les 6000 lampions sont allumés, et la basilique, illuminée dans la nuit, semble mouvante et dorée. J'ai redemandé à Nicole Védrès de lire ce livre cette semaine, Les choses vaticanes sont à l'ordre du jour, et je crois qu'elle a été d'ailleurs passionnée par cette lecture. Les Italiens sont vraiment des gens... Ils sont étonnants pour ça. Il y a dans ce livre des chapitres et des mots en particulier qui prêtent à rêver. 1958. Et, par exemple, les Sampierini. Ah, les Sampierini, oui, ça c'est une chose très jolie dont parle Neufsel, parce qu'il situe très bien le décor, enfin cet état du Vatican qui est... Il est presque italien, Neufsel, il est presque italien depuis le temps. Oui. On l'a vu beaucoup ces temps-ci dans des interviews venant de Rome, et alors... il situe cette espèce d'énorme basilique de Saint-Pierre dans ce tout petit état, les proportions qui sont colossales, puisqu'il rappelle que, par exemple, il y a sur une statue de Saint-Augustin, il y a une mitre. Sur la tête de Saint-Augustin, mais cette mitre, elle est grande comme vous. Il y a quelque part un baldaquin par-dessus, je ne sais pas quoi. Ce baldaquin est à lui seul plus haut que n'est le Louvre. Et alors les Saint-Pierrini sont de père en fils depuis l'époque médiévale, sont des gens qui ont pour mission d'éclairer et d'illuminer Saint-Pierre dans les circonstances où ça mérite de l'être. Et alors ce sont des acrobates de père en fils. Ils sont suspendus à des cordes entre volutes et rocailles, comme ça, et ils allument, enfin, mètre par mètre, des kilomètres de Saint-Pierre. Vous savez, Saint-Pierre, ils sont des gens étonnants qui vont, paraît-il, disparaître parce que les assurances ne veulent plus couvrir les risques que courent ces gens. Santa Maria Mezzora, Colosseo, Circo Massimo, Piazza Venezia, Vatican. In total 10 stop, every stop, get on, get off. Ok. Dans les grandes fêtes ou pour les canonisations, il y avait tout un système de feu qui était allumé justement par ces gens qui étaient liés à des cordes du sommet de la basilique pour allumer toute la cupole. Et c'était très rapide. Mais là, il y a toute une histoire de... extraordinaire, parce que... Par exemple, quand on enlève l'obélisque de Saint-Pierre, ça c'est sous le pape était Sixte Quint, et c'était très compliqué. On conserve toutes les gravures et les calculs qui ont été nécessaires pour les redresser. C'est un monolithe. Et c'était une opération tellement délicate. Quelque chose que je me souviens, parce qu'on racontait ça, les papes avaient menacé la peine de mort pour qu'ils se seraient écriés pendant l'opération de redressement. Une opération qui était menée avec des centaines de chevaux qui tiraient avec des cordes, qui était tellement sous pression qu'on avait peur que les cordes se rompaient. Et alors il y avait quelqu'un qui était un marin, qui s'est rendu compte que les cordes étaient trop sèches et qu'il fallait les mouiller. Et alors il s'écrie « À quoi les cordes ?» en défiant la prohibition du pape et en risquant d'être exécuté. Mais c'est ça qui sauve l'opération et le pape, en reconnaissance de l'initiative de cet homme qui venait de la Ligurie, lui avait donné les privilèges qui est gardé, je crois, au moins il était gardé jusqu'à il y a quelques décennies, de pouvoir fournir les rameaux pour les dimanches des rameaux. Au plus près du tombeau de Saint-Pierre, c'est le rêve de chaque pape, que sa tombe soit à cet endroit précis, au plus près de l'apôtre, si tant est qu'il soit bien là. C'est pour en avoir le cœur net que Pie XII, pendant la Seconde Guerre mondiale, a lancé ce programme de fouilles. Pierre repose-t-il vraiment sous la basilique? Et bon sang, où doit-on creuser si l'on veut se trouver au plus près de la tombe du saint? Jacques Malissard, au cours de votre séjour à Rome, vous avez eu la chance d'éclaircir un peu le mystère qui plane sur le tombeau de Saint-Pierre. En effet, j'ai eu la chance de rencontrer l'un des rares spécialistes qui effectue les recherches sous la basilique. 1949. Avec lui, j'ai pu visiter ces lieux saints de la chrétienté et apprendre bien des choses que le monde ignore encore, étant donné que le pape se réserve le droit d'annoncer au monde les précisions que nous ignorons encore. Sous le transept et une partie de l'église de Saint-Pierre, il existe une sorte de crypte appelées les grottes vaticanes. Les papes y sont enterrés et au cours des siècles passés, la crypte s'est trouvée rengorgée de tombeaux. Si bien que pour Pie XI, il fallut revenir aux emplacements des premières tombes et creuser pour placer le mausolée que les Milanais ont offert. Au cours de ces travaux, on mit à jour des voûtes qui, évidemment, tout de suite attirèrent l'attention. Le pape décida donc d'effectuer des travaux méthodiques. Alors dire que le pape Pie XII a voulu retrouver le tombeau de Saint-Pierre, je n'irai pas jusque-là. Je pense que le projet était beaucoup plus scientifiquement objectif, fouiller la nécropole du Vatican pour voir ce qu'on y trouverait. Je dirais que les fouilles, c'est une vraie confrontation de la science, science archéologique, science historique et de la foi qu'il faut saluer. Je trouve ça vraiment très impressionnant. Et donc, ça a quand même donné une vraisemblance, pas des preuves assurées, mais une vraisemblance, finalement, à la tradition locale. Et donc, durant tout le temps de la guerre, on a fouillé sous la basilique. Alors, de 39 à 49, puisque l'annonce a été faite pour le message de Noël de 1950. Sœur Anaïque Mérène. Et ce n'est qu'à partir de 1939, donc quand Pie XI meurt, il demande dans son testament, voilà, où tout commence, d'être enterré à côté de Pie X et pas très loin de Saint-Pierre. Seulement, le sarcophage de Pie XI est très grand. Donc, ils ont voulu, à ce moment-là, descendre le pavement de cet endroit-là. Et en voulant abaisser ce pavement, ils donnent un coup de pic et vont trouver un mur. Donc, ils vont commencer à enlever la terre jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'à côté de ce premier emplacement, il y en avait d'autres, il y en avait d'autres, il y en avait d'autres. Et voilà comment, pendant 9 ans, il va falloir fouiller pour ouvrir 70 mètres de fouille. Alors peut-être, vous pouvez nous dire aussi, sœur Anaïque Mérène, qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'authentifier les reliques? Parce qu'on sait que les papes ont annoncé à plusieurs reprises que les reliques de Saint-Pierre avaient été authentifiées. Qu'est-ce qui permet de dire aujourd'hui que ce qu'on a trouvé, d'ailleurs vous allez peut-être nous dire pour commencer, ce qu'on a trouvé précisément comme relique, en quoi on est sûr désormais que ce sont bien les reliques de Saint-Pierre? Alors, être sûr, moi je vais vous dire que quand je fais de l'archéologie... c'est la même chose pour les catacombes. C'est un peu difficile d'être sûr quand on trouve seulement des ossements. Mais enfin, le lieu où on a trouvé ces reliques est très important. Alors, mais pour ça, il faudrait que vous ayez en tête la présence du... Je peux vous montrer une image? Bien sûr. Voilà, voilà. Alors, voilà le petit monument dont je vous ai parlé des années 160. Donc on voit un petit fronton, voilà, avec des fines colonnes blanches. Ça s'appelle un trophée, voilà. Et tout à l'heure, vous verrez cette colonnette-là, de droite. Mais, à partir du IIIe siècle, ce qu'il n'y a pas sur la photo, vous avez ici la construction d'un mur perpendiculaire à ce mur qu'on appelle le mur rouge. En même temps qu'on construit le mur, parce qu'il fait partie de la construction, on fait ce petit monument parce qu'on se dit, tiens, si on indiquait pour toujours où se trouve la tombe de Pierre, et on aura toujours des preuves. Voilà, exactement. En tout cas, au IIIe siècle, on l'a construit contre le trophée, un mur perpendiculaire. Et c'est dans ce mur perpendiculaire qu'on a retrouvé une niche, enfin un coffret en marbre de 45 cm de long sur 17 cm de haut, qu'on a perforé. Voilà, la première fois. On voit le trou dans le mur. Voilà. Et en passant la main, on a ramassé ce qu'il y avait dedans. Dans le coffret. Dans ce coffret. Et on a trouvé des ossements de la terre, des fils de pourpre et des fils d'or. Ce qui veut dire que ces restes avaient été enveloppés dans un tissu riche qui s'est un peu désintégré au cours des siècles. Mais ça voulait dire que c'était quelqu'un de précieux qui était à l'intérieur. Et ces ossements... Et ces fils ont été déposés à côté. Le professeur d'épigraphie de l'Université de Rome, Madame Guarducci, va demander que ces restes soient analysés par un institut où on étudie les ossements. Et à la fin de tout, elle dit qu'il faut que ça corresponde, que ce soit un homme, déjà, et pas une femme. Et la réponse après l'analyse vous dit il est de constitution robuste. Si vous avez lu les évangiles après Pâques, il tire des filets de poissons, il y a 143 poissons à l'intérieur, donc il doit être quand même assez costaud. Il souffre d'arthrose et en particulier de la colonne vertébrale, et on vous dit que ça c'est typique des gens qui travaillent dans les lacs. Et c'est son métier d'être dans le lac, parce qu'il travaille dans le lac de Tibériade, il ne va pas sur la mer Méditerranée. Donc, et on peut lui donner dans les 70 ans. Alors, en mettant tout ça ensemble, et ces restes ayant été trouvés dans ce coffret qui est près du trophée, parce que pourquoi est-ce qu'on pense qu'ils ont été mis là, au lieu de les laisser dans la tombe? Premièrement, parce que les laisser dans la terre, c'était peut-être pas très, très bien, enfin, très vénéré, comme, mais aussi parce qu'on avait peur qu'ils soient volés. Thank you. Así que a partir de ahora te llamaré Pedro. Y sobre esta piedra edificaré lo que debo llamar mi iglesia. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Und von nun an nenne ich dich Petrus, der Felsen. Und auf diesem Felsen baue ich meine Gemeinde, die ich fortan meine Kirche nenne. Dir übergebe ich die Schlüssel. Voici que je te donne les clés du royaume. Zum Königreich des Himmels. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Tu es Pedro. E sobre esta rocha construirei a minha igreja. On a retrouvé des ossements. Alors, il y a les expertises de médecine légale. Il était vieux, il avait beaucoup voyagé. Bon, Marie-Françoise Basselez. Ça colle, on est dans l'ordre du vraisemblable. L'historien est plus réticent, je dirais, parce que tout cet ensemble a été extrêmement bouleversé. D'abord par les travaux de la basilique constantinienne et puis ensuite surtout par des invasions barbares à la fin du premier millénaire. Donc les ossements ont été déplacés. On ne peut pas dire, voilà, les ossements qu'on expose actuellement dans un coffret, c'est ceux qui étaient dans la première tombe sous quatre tuiles à la fin du premier siècle. Alors, je ne sais pas si vous voulez entrer dans les détails, mais cela fait l'objet donc d'une controverse épigraphique entre savants. Vous voulez que je rentre dans le détail ? C'est la fameuse inscription « Pierre y est » ou au contraire « Pierre n'y est pas ». Alors voilà, on a trouvé une inscription très lacunaire en grec. Alors en grec, le verbe « sigi »,« sigila », c'est « keitai », où on peut lire trois lettres de ce mot « keitai ». Et le pi grec et le e, peut-être de Pierre. Donc très peu de lettres à qui l'épigraphiste de métier dira qu'on peut faire... peut dire n'importe quoi, c'est comme les bouts d'évangile sur papyrus, hein, quand on a 12 lettres, 3 lettres, bon. Donc l'épigraphiste qui avait été chargé de ce dossier, Margherita Guarducci, était très portée par la foi à retrouver le nom de Pierre à tout prix, et Charles Pietri, qui avait été l'étudiant de Madame Guarducci, disait, elle passe avec un stylet et elle dit, regardez, vous avez là Entade Keita Petro o Petros Keitai, et à chaque fois elle repassait avec son stylet. Évidemment, au bout du 10e passage, on en voyait un petit peu plus qu'au premier. C'est de l'ordre du témoignage de foi. Il n'y en a pas assez pour dire qu'on pouvait vraiment lire Sigi Pierre. Alors on a trouvé effectivement des ossements qui pourraient être ceux de Saint-Pierre, mais finalement on n'est même pas sûr que Saint-Pierre ait vraiment été à Rome. Paolo Olivera. Non vorrei essere frainteso, perché la identificazione delle reliquie di Pietro, ovviamente, je ne voudrais pas être mal compris. L'identification des reliques de Saint-Pierre a évidemment une grande importance pour la foi d'un grand nombre de personnes. Io sto parlando da storico e quindi se le ossa di Pietro sono state trovate, je parle d'un point de vue historique, et que ce soit ou non les os de Saint-Pierre qui aient été trouvés, cela ne change pas grand-chose ni à la foi des chrétiens, ni à la vision de l'historien. Quindi io personalmente considero con interesse la proposta Guarducci della collega che ha. Moi je trouve intéressantes les hypothèses de ma collègue Madame Guarducci qui soutient avoir identifié les reliques de Saint-Pierre. La loro storia, lo scavo è stato un po' avventuroso, quindi. Mais je trouve un peu hasardeux l'histoire et le déroulement de ces fouilles. Et je ne me sens pas en mesure de défendre à tout prix ces théories. È una teoria interessante e abbastanza verosimile, secondo me. Néanmoins, c'est une théorie intéressante. Mais assurément, ce n'est pas une certitude. Ovviamente, il problema è di capire se quello che nel secondo secolo, verso il 160, De toute évidence, le problème est de comprendre si ce qui, au IIe siècle, était considéré comme la tombe de Saint-Pierre et que l'on datait de 160, que ce soit d'après les textes de Zeb de Césarée ou d'après l'archéologie. Le problème donc est d'essayer de savoir si c'est vraiment la tombe de Saint-Pierre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au IIe siècle, cette tombe était considérée comme celle de Saint-Pierre. Quindi il problema è quello di riempire, per così dire, il secolo di storia che c'è tra la morte. Ce qui est difficile, c'est de remplir le siècle d'histoire entre la mort de Saint-Pierre, à peu près en 65-67 après Jésus-Christ, et la date 260 qui est celle des restes archéologiques. Quindi qui c'è tutta la discussione per vérifier ces possibilités, c'est l'objet de toutes les discussions actuelles. Je crois qu'il va pleuvoir. Il faudrait trouver un abri sans tarder. Pierre, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui te préoccupe? Je tremble un peu pour nos amis. Je suis inquiet. C'est en ces heures que j'aurais besoin des conseils de notre Seigneur. Si seulement il voulait me dire un mot, j'aurais... Regarde, le haut de ces arbres-là, il ne remue pas au vent. Et cette clarté qui apparaît soudain, Nazaire, est-ce que tu la vois? C'est la lumière du Seigneur. Christ Jésus, tu es ici. Que se passe-t-il, Seigneur? Que dois-je faire? Quo vadis, Domine? Où vas-tu, Seigneur? Mon peuple, qui est à Rome, a grand besoin de toi. Si tu désertes mon peuple, j'irai à Rome pour être crucifié une seconde fois. Oui, a-t-on retrouvé les ossements de Saint-Pierre? Telle est la question que l'on se pose à Rome du fait de la publication de l'ouvrage de Mademoiselle Guarducci, un professeur d'archéologie à l'Université de Rome. 1963. Celle-ci n'hésite pas à répondre par l'affirmative à la suite de longues recherches portant sur les fouilles pratiquées dans le sous-sol de la basilique Saint-Pierre depuis 1939. Mais avant d'aller plus loin, écoutons les détails que nous donne de Rome Pierre Corval. En 1950, on était arrivé à retrouver la tombe primitive de l'apôtre Saint-Pierre et le pape Pie XII en avait donné lui-même l'annonce dans son discours de Noël de cette année-là. Mais la tombe était vide et Mademoiselle Guarducci en fournit l'explication. En effet, avant que Constantin ne décida, au IVe siècle, d'édifier une basilique à l'emplacement même du martyr de Saint-Pierre, il est certain que le corps de l'apôtre avait été caché pour le soustraire aux persécuteurs des chrétiens. La cachette a été retrouvée à l'intérieur d'un mur couvert de graffitis. L'un d'eux indique, en grec, « Pierre est ici ». Dans cette cachette, on a trouvé des ossements ayant appartenu à un seul personnage du sexe masculin, âgé d'un peu plus de 60 ans et de stature très robuste. Les données permettent de dire que le corps est contemporain de l'époque où Saint-Pierre était à Rome, c'est-à-dire vers l'an 60 de notre ère. Enfin, quelques fragments d'étoffe rouge adhéraient également aux ossements. Ce sont sans doute les traces du drap qui avait servi au premier ensevelissement de l'apôtre. Pour notre part, nous avons immédiatement interrogé un spécialiste qui fait maintenant le point de la question avec notre camarade Claude Guérini. Les certitudes ou quasi-certitudes essentielles qu'on peut en retirer sont les suivantes. On se trouve en présence d'un cimetière chrétien sous la confession de Saint-Pierre de Rome. Et ce cimetière chrétien coïncide avec l'emplacement que Constantin, par la suite, avait choisi pour sa basilique. D'autre part, on est en présence d'un monument funéraire, dont certes la date est postérieure à celle du tombeau, mais qui coïncide de nouveau avec l'emplacement présumé de la tombe de Saint-Pierre. On a trouvé à proximité une inscription grecque, dont le seul élément identifiable est le mot « Petros », « Pierre », quelques graffitis qui suivent ce mot ont été différemment interprétés. Les uns l'interprètent comme Enesti, Petros Enesti, Pierre est là. D'autres comme Endei, Pierre n'est pas là. Oh Pierre, tu es tombé, appuie-toi. Les mots que tu as dit, dis-les-moi encore. Tu as dit, Si tu désertes mon peuple, j'irai à Rome pour être crucifié une seconde fois. Suis-moi, Nazaire. Où nous rendons-nous ? À Rome. Qu'est-ce qu'on a comme élément qui pourrait nous laisser penser que Pierre est allé à Rome ? Alors, il y a la lettre de Clément de Rome, qui date des années 90, qui est adressée à l'église de Corinthe, donc au monde grec, et qui mentionne que Pierre et Paul sont morts dans les mêmes conditions, victimes donc de tensions et de déchirements internes. Mais Clément de Rome ne précise pas que Pierre et Paul sont morts à Rome. Et de toute façon, ça reste de l'ordre de la foi et de la tradition, plus que de la réalité historique. Historiquement parlant, on est dans l'ordre des hypothèses. Donc, alors on sait aussi qu'en 90, Pierre doit être mort, parce que dans l'Apocalypse de Jean, il y a une phrase extrêmement symbolique, évidemment, comme toujours dans l'Apocalypse, qui fait allusion donc aux deux apôtres qui sont morts. Donc on pense que c'est Pierre et Paul, sans nous dire où, puisque l'Apocalypse de Jean a été écrite en Asie. Donc en fait, il faut attendre la fin du deuxième siècle pour avoir le premier jalon d'une tradition de Pierre et Paul morts à Rome. Il s'agit donc d'une querelle entre orthodoxes et hérétiques, entre guillemets, et chacun revendique ses tombeaux. Nous sommes les orthodoxes, c'est nous les orthodoxes, c'est nous les bons, puisque nous descendons de tels fondateurs. Et pour pouvoir arguer de tels fondateurs, il faut présenter ses tombeaux. Et le prêtre Gaius, à Rome, qui parle au nom de ce qu'on appelle désormais la Grande Église, dit « Mais nous, nous avons à Rome les trophées des apôtres, celui du Vatican et celui de la route d'Ostie. » Donc, il ne nomme pas qui sont sous les trophées. C'est une invitation au pèlerinage. Nous, nous avons les trophées des apôtres et allez-y en pèlerinage au Vatican et sur la route d'Ostie. Et alors, qu'est-ce qui explique justement que dans son parcours, Pierre a été amené à venir à Rome ? Alors le problème, c'est que les Actes des Apôtres nous citent le Concile de Jérusalem dans les années 41, c'est-à-dire que l'Église primitive a besoin de se réunir à Jérusalem pour étudier les différents problèmes, etc. Et à partir de ce moment-là, dans les Actes des Apôtres, on ne parle plus que de Paul et on ne parle plus de Pierre. Et alors pourquoi ? Alors, ça, c'est le grand problème, justement. Et moi, quand je fais visiter, je veux dire, ce qui m'impressionne toujours, c'est ce silence qu'il y a à partir de Pierre, parce que Pierre va rester humble et caché, enfin, pas caché, mais on n'en parle plus. Simplement que, comme quand Paul va arriver à Rome, il y a une communauté chrétienne qui l'attend sur la Via Appia. Qui a fondé cette communauté chrétienne ? Est-ce que ce n'est pas Pierre qui, en s'éloignant de Jérusalem en 41, parce qu'il y a déjà des persécutions qui commencent à Jérusalem, donc on pense qu'on lui a suggéré de partir de Jérusalem, puisqu'il était, il avait été choisi par Jésus, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, donc de s'éloigner de Jérusalem pour éviter les persécutions, et quelle direction prend-il ? Rome. Et c'est sans doute lui qui, aidé avec d'autres chrétiens qui étaient des marchands de tissus, etc., en particulier Prisca et Aquila, dont on retrouve aussi des citations, il va constituer sans doute une communauté petite hein, à Rome, qui va, quand Paul va arriver à Rome, l'accueillir, puisque aux Trois Tavernes, on sait qu'il arrive et qu'une communauté chrétienne est là pour l'accueillir. Ça, on le trouve dans les Actes des Apôtres. Et comment vous expliquez ce silence justement autour de Pierre ? Moi, je dirais que toute la vie de Pierre, depuis son appel déjà, c'est pas lui qui a été appelé le premier, ce sont les deux autres, André et Jacques, qui ont rencontré Jésus, enfin, qui étaient les disciples de Jean-Baptiste. Donc, c'est pas le Pierre qui a été appelé le premier. Déjà, Enfin, c'est assez étonnant. Et puis après, pendant enfin, tout ce qu'on peut lire dans les évangiles, c'est quand Pierre fait un faux pas ou quand il fait une demande, une question un peu embarrassante ou une question un peu étonnante, que tout d'un coup, on reparle de Pierre. Mais on parle peut-être plus de Saint Jean, par exemple, qu'on dit que c'est peut-être le préféré de Jésus. Mais quand même, à chaque fois qu'il y a un moment important à vivre, c'est Pierre qui ressort. Donc, en particulier, quand Jésus lui dit « Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Or, Pierre, s'étant retourné, aperçut un hareng suspendu à une fenêtre. Il le prit et dit au peuple « Si vous voyez maintenant celui-ci nager comme un poisson, pourrez-vous croire en celui que je prêche ?» Eux répondirent d'une seule voix « Oui, nous te croirons !» Un bassin de natation se trouvant tout près, il dit alors « En ton nom, Jésus-Christ, puisque jusqu'à présent on ne croit pas, devant tout ceci, je dis « Vis et nage comme un poisson !» Et il jeta le hareng dans la piscine, et il redevint vivant et se mit à nager. Et la multitude vit le poisson nager, et Pierre ne le fit pas nager seulement à ce moment-là, mais pour qu'il ne fût pas dit que c'était une illusion, il le fit nager assez longtemps pour attirer les foules de tous côtés et leur montrer le hareng redevenu poisson. Il y en eut même dans la foule qui lui jetèrent du pain, et le hareng le mangeait tout. Voyant cela, un très grand nombre devinrent disciples et crurent dans le Seigneur. Et ils se réunissaient jour et nuit dans la maison du prêtre Narcisse. Pierre leur expliquait les écrits prophétiques et ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait accompli en paroles et en actes. E arriviamo al terzo livello, quello più profondo e più importante, la presenza di Pietro a Roma. Le point le plus important, c'est la question de la présence de Saint Pierre à Rome. Sono così molto quelle più antiche, sono solo molto allusive, non abbiamo una dichiarazione. Les sources historiques sont très allusives. On n'a pas une déclaration claire et évidente qui dirait « Pierre est arrivé à Rome sous tel consul et est mort sous l'empereur Néron, etc. » Donc, il y a toute une série d'allusions subtiles dans les sources antiques qui demandent un travail d'interprétation très délicat. Fino a 20 anni fa, diciamo, si era raggiunto un certo consenso sulla presenza storica di Pietro a Roma e sulla morte di Pietro a Roma da il y a 20 ans le consensus était général sur la présence historique de Pierre et sa mort à Rome entre tous les historiens qu'ils soient chrétiens ou non. Dopo uno studio di un filologo tedesco Zwierlein. Récemment, la discussion s'est ranimée après l'étude d'un philologue allemand, Zwierlein, et des congrès ont été organisés récemment autour de cette question qui est encore en discussion. Questo ed altri elementi di questo tipo a me sembra che rendano preferibile la considérare. Moi, je considère que ces éléments attestent que la mort de Pierre à Rome est une réalité historique, et c'est ça l'essentiel. Il resto sono arricchimenti, ma non sono elementi. Il reste des incertitudes et des débats, mais sur des points qui ne sont pas aussi importants que cette question de la présence de l'apôtre à Rome. Alors, si vous comprenez bien, tout de suite, là, vous êtes enfilé derrière et vous avez touché, enfin, vous avez vu la terre de face. Maintenant, on est sur le côté, là. Donc là, vous avez la tombe. Maintenant, on va monter l'escalier. Donc, on est au niveau des années 160 maintenant. Et c'est là qu'on a construit, il est coupé, le mur de 7 mètres de long, dont vous en voyez l'épaisseur, avec le trophée. Regardez maintenant où on est là. Et vous voyez qu'on a réussi, dans le monument en marbre de Constantin, à dégager tout pour trouver cette colonnette, qui est la colonnette de droite, voilà, du trophée. Oui, oui, donc on voit bien, effectivement, une petite colonne très fine, blanche, avec un fût un petit peu renflé. Hein, et je vous ai expliqué avant que, comme le monument était trop petit, il a fallu le surmonter par un ciborium, et vous avez le trou où étaient fixées les colonnettes, et là où était fixée la balustrade. Et on a retrouvé ici une inscription. Ad Petro. En réalité, ce morceau de marbre avait dû être mis déjà à part pour servir de base à ce monument pour Saint-Pierre. Alors là, vous êtes très surpris, parce que de l'époque de Néron, vous allez passer au XVIe siècle, au XVIIe même, avec ce qu'on appelle Clémentine. Ça change un peu. Alors en réalité, il faut retourner toujours à l'antique, c'est-à-dire que vous avez toujours le monument marbre de Constantin. Donc là, on est sur un Nightmare dans une petite chapelle, devant un petit hôtel. Effectivement, on voit là ce petit trou, cette petite fenêtre qui est un peu plus proche de la tombe de Saint-Pierre. Et on est à la bascule entre les époques, c'est-à-dire entre... Alors, venez voir là. D'ici, vous allez voir, normalement, si vous y réussissez... On arrive à voir jusqu'à l'axe de la coupole de Michel-Ange. Donc, on a l'axe de la coupole. En dessous, on aurait le baldaquin. En dessous, vous auriez les trois autels papales. En dessous, vous avez le monument de Constantin. Et en dessous, finalement, vous avez ce mur de 7 mètres de long qui passe exactement à l'extrémité de la tombe de pierre. Donc là, vous faites vraiment le voyage dans le temps, qui arrive jusqu'à nos jours, évidemment. Alors, je pense que c'est important de souligner la mémoire de Pie XII. C'est Pie XII aussi qui a publié l'encyclique qui nous inspire tous, les intellectuels chrétiens, le droit pour l'intellectuel de chercher la vérité scientifique. Et à partir de l'exégèse, d'aller vers l'archéologie et vers l'histoire. Et ce projet donc, des fouilles souterraines du Vatican va dans ce sens. Il a libéré donc, le chercheur. Quand on est archéologue, quand on s'occupe d'archéologie ancienne, comment est-ce qu'on fait pour, au Vatican en tout cas, pour que voisinent les questions de foi, de religion et les questions de science et d'archéologie scientifique? Est-ce que c'est compliqué pour vous par exemple? Paolo Liverani. È chiaro che in questa discussione ci sono entrate passioni, diciamo così, e anche non archeologiche, non strettamente scientifiche. C'est certain che sur ces questions il y a une dimension souvent passionnelle e qui n'est ni archéologique ni scientifique. Et c'est bien normal. Les études archéologiques chrétiennes sont nées dans un contexte qui était celui de la réforme et de la contre-réforme. Et elles portaient sur la recherche de ses origines par l'Église réformée d'un côté et par l'Église catholique de l'autre. È possibile però, io credo, avere una visione equilibrata di questi problemi. En tous les cas, à mon avis, il est possible d'avoir une vision équilibrée de ces problèmes et de chercher à donner une lecture historique et de pouvoir se tenir loin des polémiques idéologiques. Ci sono dei dati che sono abbastanza sicuri e poi bisogna avere la... Mais il y a des dates qui sont à peu près certaines. Et puis, on a besoin d'avoir l'honnêteté de dire à quel point les hypothèses sont vraisemblables ou non. Mais plus on avance des hypothèses, et plus le terrain devient risqué. Ma ecco, questo è anche abbastanza normale nell'archeologia. Difficilmente l'archeologia dà certezze su singoli personaggi. Mais c'est plutôt normal en archéologie. En archéologie, on date difficilement les personnages historiques avec certitude. On a besoin de trouver une inscription sur la tombe Et ça, c'est un coup de chance. I personaggi che non conosciamo e i personaggi che vorremmo trovare non li troviamo, quindi non è solo Pietro. On trouve plus facilement les tombes de personnages inconnus que les tombes de ceux que l'on voudrait trouver. Pas seulement celle de Saint-Pierre, mais celle de tant d'autres personnages. Je pense à celle d'Alexandre, par exemple. C'est un peu vite dit de penser que l'Église a été étrangère au monde de la science. Père Laurent Mazas. Certainement, une des choses qui a fait, entre guillemets, le plus mal à l'Église, c'est la question de Galilée. C'est de l'avoir accusé d'incompétence et d'incapacité de compréhension du monde de la science, avec énormément de quiproquos aussi, hein, de fausses interprétations ou de jugements un peu rapides sur ce que l'Église entendait, parce qu'en réalité... Ce qu'elle a évidemment mal accepté, c'est qu'un scientifique, au nom de sa science, contredise la foi. Alors qu'elle disait que quand la science entre en contradiction avec ce qu'elle a pu enseigner, elle devait aussi s'interroger elle-même pour être peut-être un peu plus pure, entre guillemets, dans sa croyance. Puisque l'une cherche à répondre au comment, la science, et puis la foi au pourquoi. Donc c'est deux domaines de connaissances un peu différents. Et si on revient justement à cette question des relations avec la science, à la question de justement peut-être des fouilles archéologiques au Vatican, notamment dans la basilique Saint-Pierre, là aussi c'était important et puis peut-être significatif que ce soit un pape qui soit à l'origine du renouveau de ces fouilles pour trouver les restes, les reliques de Saint-Pierre, et pour les authentifier peut-être. Oui, alors la question l'archéologie, encore actuellement, notre président du Conseil pontifical de la culture est aussi président de la commission d'archéologie sacrée, et donc, en fait, gère toutes les catacombes d'Italie, hein, qui sont propriété du Vatican, même quand elles sont à Palerme ou à Naples. Ensuite, l'histoire, le christianisme a 2000 ans, donc dans le patrimoine doit être préservé, il nous parle quelque part de ce que nous sommes. Hein. Et alors après, pour le cas très précis des fouilles de Saint-Pierre, d'abord les reliques de Saint-Pierre ont été authentifiées. Hein. Alors, on ne peut pas évidemment dire à 100%, mais il y a quand même toute un faisceau de convergence qui nous donne la certitude absolue que c'était lui. Peut-être aussi ce qui est difficile à comprendre justement pour des gens qui sont extérieurs à toutes ces questions, c'est finalement pourquoi est-ce que c'est si important d'essayer de concilier la recherche de la vérité et la question de la croyance. Par exemple, sur la question des reliques de Saint-Pierre, on peut se demander de l'extérieur pourquoi c'était si important de les authentifier quand finalement tout repose aussi sur la croyance. Ben, oui, mais notre foi, elle est incarnée, elle s'incarne dans une histoire, à commencer par le Christ lui-même. Le Verbe s'est fait chair, donc Dieu est venu sur cette terre. Si, historiquement, il n'y a aucun fondement à tout ça, c'est toute la foi chrétienne qui s'écroule. Alors, notre foi chrétienne, elle n'est pas fondée sur la question des reliques de Saint-Pierre, c'est évident. Maintenant, il y avait déjà quand même un grand nombre d'indices qui donnaient cette certitude qu'il était là, mais enfin, c'était quand même mieux de le prouver par... Les découvertes archéologiques. C'est donc quand on descend dans la confession, c'est-à-dire sous l'autel majeur de la basilique Saint-Pierre, qu'on sait et qu'on voit un petit peu aujourd'hui qu'on est juste au-dessus du mémorial. Cette fidélité de la mémoire chrétienne sur des siècles et maintenant des millénaires, pour le croyant d'une part, c'est bouleversant. Et pour l'historien même, il y a peu d'exemples d'une fidélité aussi continue à partir de la fin du IIe siècle, 180 de notre ère, et sans doute par rapport à un passé qui est maintenant complètement occulté, archéologiquement, historiquement, mais ils ont su faire la transition, faire le passage. Et ça, c'est extrêmement bouleversant. Donc moi, c'est là que je veux être, dans cette superposition archéologique, avec des lacunes et des occultations historiques, dans cette superposition archéologique, et cette fidélité de la mémoire chrétienne. Alors peut-être on peut évoquer aussi la question de Saint-Pierre avec vous, parce que je crois que votre bureau donne sur la place Saint-Pierre, donc vous êtes juste au-dessus, vous avez vu sur cette basilique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quoi finalement le pape est le successeur de Saint-Pierre ? Oui. Alors, les apôtres Pierre et Paul sont venus à Rome. Père Bernard Ardoura. Paul y est venu parce que, jugé en Palestine, il a fait appel au jugement de l'empereur, et donc on l'a amené prisonnier ici à Rome. Et Pierre est venu pour prêcher l'évangile à Rome parce que c'était la capitale. N'oublions pas que nous sommes à l'heure dans l'Empire romain. Et l'Empire romain, c'est une sorte de fédération de nations différentes qui partagent cependant une même loi. Et donc, Rome est précisément le lieu de diffusion de la pensée et surtout de toute la civilisation romaine. Ici, nous nous trouvons pratiquement sur les bords de ce qu'on appelait le cirque de Néron. Et c'est là que l'on faisait les courses de chevaux, que l'on faisait les combats de gladiateurs, et c'est là également donc qu'il y avait aussi des exécutions. Alors Saint-Pierre a été donc mis à mort dans le cirque de Néron en 64. Ensuite, il a été enterré juste à côté dans le cimetière qui bordait cette partie de la Via Aurelia. Alors, Saint-Pierre, s'étant établi ici, est considéré comme le premier évêque de Rome. Le pape est le successeur de Saint-Pierre parce qu'il est évêque de Rome. Et donc, il hérite des prérogatives de Saint-Pierre à ce titre-là. Et c'est pourquoi, par exemple, dans toute la liste des titres qu'a le pape dans l'annuaire pontifical, le premier, et même depuis le pape François, sur la première page, il n'y a que cette mention-là, François, évêque de Rome. Les autres titres sont passés dans les pages suivantes. En souvenant que donc c'est à Pierre et à Pierre seul que Jésus a dit « Paix mes brebis, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu pardonneras sera pardonné. » Tout ce que tu retiendras sera retenu dans le royaume des cieux. Et donc, le gouvernement de l'Église est présidé par Pierre et avec l'ensemble des autres apôtres qui sont aujourd'hui le collège épiscopal. Carissimi fratelli e sorelle. Élection de Jean-Paul II, 16 octobre 1978. Ed ecco, voici que les cardinaux hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Ont choisi un nouvel évêque de Rome. Le pape, vous le voyez, est très très ému. Buonasera. Élection du pape François, 13 mars 2013. Vous sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che vous savez que i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Roma. Ma siamo qui. I frères cardinaux m'ont mis aussi à la tête du monde. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, Marie-Françoise Bastelès, que... On n'imagine rien. On dit des choses vraisemblables ou des choses avérées. Là, on est dans le vrai, dans le possible ou le vraisemblable. Et est-ce qu'il ne serait pas vraisemblable de penser que, finalement, si Pierre était effectivement mort à Rome, vu son importance... Mais non, il n'en a pas. Quelle importance serait-il ? Il est le chef d'une mouvance chrétienne, d'un groupe chrétien parmi d'autres. Rappelez-vous ce qu'écrit Paul quand il passe à Corinthe. Il y a le groupe de Képhas, c'est-à-dire Pierre, il y a le groupe de moi, Paul, il y a le groupe d'Apollos qui vient d'Alexandrie, il y a le rôle d'un certain Christos. Les études récentes sur Rome, la sociologie de la Rome chrétienne, comme celle d'ailleurs de la Rome juive, montrent aussi ce qu'on appelle aujourd'hui un christianisme de petits groupes. C'est même l'historien donc de la Rome ancienne qui a créé cette expression de christianisme de petits groupes. c'est les évangiles qui posent la pierre angulaire, de faire de Pierre le chef de l'Église. Oui. On est dans les années 70-90 pour les derniers. Mais l'identification des tombeaux, Pierre et Paul, Pierre, donc pour ce qui nous intéresse, martyr à Rome, 780. Et c'est quand même admirable, c'est cette date qu'a confirmé donc les fouilles de la nécropole sous le Vatican et du mémorial apostolique. Et alors comment expliquer que finalement ce soit Rome qui soit devenue le siège de l'Église, qu'on se repose sur cette fameuse phrase de Jésus, tu es Pierre et sur cette Mais pierre, et voilà. Il n'a pas dit Rome, il a dit Pierre où qu'il soit. En fait, c'est très tardif. C'est même pas à l'époque constantinienne. Aujourd'hui, les historiens, antiquisants et médiévistes confondus, convergent pour dater cela donc de l'époque carolingienne, de cet acte de donation de Constantin, qui est un faux par lequel Charlemagne donc reconnaît Rome comme capitale de la chrétienté. Alors jusque-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est qu'on allait beaucoup à Rome, capitale de l'Empire, donc les grands évêques d'Orient, par exemple, allaient à Rome, mais que ça ne donnait pas à l'évêque de Rome une position prééminente spéciale. L'Église de Rome, elle, évidemment, a des moyens considérables, c'est à l'échelle, évidemment, de la taille de la capitale, et donc nous savons par des témoignages en Orient, en Grèce, en Orient, par exemple, du IIe siècle, que l'Église de Rome subventionne beaucoup d'églises. C'est une des communautés les plus importantes de l'ensemble des communautés chrétiennes, mais je dirais que proportionnellement, les évêques d'Alexandrie, les évêques de Smyrne, les évêques de Carthage ou les évêques d'Antioche ont joué un rôle plus grand dans l'établissement de la doctrine et d'une discipline unitaire. Alors pourquoi l'opinion qui prime aujourd'hui, c'est qu'à cette époque-là, donc l'empereur s'est installé à Constantinople, comme vous le savez bien, donc il y a un vide à prendre, il faut maintenir le rôle de capitale de Rome, et c'est ainsi donc que la ville s'installe comme capitale chrétienne, qui va petit à petit donc construire la prééminence de son évêque. Mais alors comment expliquer qu'on dise, qu'on entende souvent, voilà Pierre, premier évêque de Rome, Pierre, origine de la papauté. D'abord, le titre même d'évêque n'existe pas avant la fin du IIe siècle. Hein. Enfin, je veux dire, on l'emploie, mais le chef de la communauté, on peut l'appeler évêque, épiscope, on peut l'appeler papa, pape, Cyprien de Carthage, par exemple. On peut l'appeler président, premier pape, sûrement pas. Hein. La tradition attribue à Pierre d'avoir présidé à la direction d'une ou de la communauté chrétienne de Rome, ce qui n'est déjà pas très clair, parce que Clément de Rome ne dit rien de clair là-dessus. Et ensuite, à partir du IVe siècle, l'Église de Rome, à partir du pape Damas, par exemple, s'est construite autour des deux figures d'apôtres associés, Pierre et Paul. Ce qui va durer jusqu'à maintenant. Et alors, comment expliquer, peut-être pour finir, Marie-Françoise Basselès, que finalement, donc Pierre soit considéré aujourd'hui par l'Église comme le fondateur de la papauté, le premier pape, et finalement, que le pape aujourd'hui... Comme le fondateur de l'Église, c'est autre chose. Hein. Tu es Pierre, tu sais Pierre, je bâtirai de mon Église. La foi de l'Église repose sur les évangiles. Mais sur cette question, le pape se dit toujours héritier de Pierre. En tant que chef de l'Église. Je crois que plus personne, ni parmi les théologiens, ni parmi les historiens, mais même pas parmi les théologiens, ne dit que Pierre est le premier pape, non. Et d'ailleurs, ce serait fausser les choses à une époque où les relations entre Église d'Orient et Église romaine sont à l'ordre du jour, où la diversité des églises chrétiennes est à l'ordre du jour. Ce serait un abus historique riche de conséquences. On est en cette fin du 3e, 4e siècle, et même encore après, 4e, 5e siècle, on est dans une mosaïque de groupes chrétiens qui ont maintenant une unité doctrinale, hein, l'unité nicéenne, ça c'est sûr, mais structurellement, donc, il y a des grosses communautés, ce sera les futurs patriarcats, hein, Antioche, Jérusalem, Alexandrie, Constantinople et Rome. Il y a des évêques importants qui deviennent des patriarches, celui de Rome est l'un d'eux. Vous avez à la fois Pierre, tête de l'Église. Ça, c'est l'investiture du Christ. Ça, c'est une donnée théologique. Ensuite, vous avez Pierre, figure prééminente, reconnu comme référent des chrétiens de Rome. Ça, c'est ce qui remonte à 180. Et puis, après, donc, vous avez Rome, le thème de Rome développé comme la capitale de la chrétienté. C'est ce qui se fait à partir du IVe siècle, comme je vous le disais, quand la capitale politique se développe à Constantinople. Et puis, à la convergence de toutes ces constructions, vous avez le pape évêque de Rome, successeur de Pierre. La plus grande basilique chrétienne au monde, répètent inlassablement les guides. Une coupole gigantesque, des colonnes énormes, les marbres les plus précieux, la plus belle Pietà de l'univers, des statues de saints qui écrasent de leur hauteur les pauvres fidèles perdus dans la nef démesurée, un baldaquin immense, ce n'est pas une basilique modeste et humble, c'est une véritable démonstration de force et de puissance. Sur cette porte, il y a différents symboles de réconciliation. Donc on voit, par exemple, Maëlys Godmel. C'est un peu en sortant, mais Saint-Pierre qui se réconcilie devant le Christ, donc comme il l'avait renié trois fois. Ensuite, la porte là, que vous voyez qui est au milieu, qui est fermée, elle date de la première basilique, c'est-à-dire la basilique constantinienne. Vous voyez donc, si on regarde la partie gauche, vous voyez le Christ bénissant tout en haut. Et en haut à droite, cette fois, la Vierge qui est sur son trône. Après, on descend en dessous, vous voyez donc à gauche Saint Paul, toujours représenté avec son glaive. Et sur la partie droite, vous voyez cette fois Saint Pierre qui donne les clés au pape. Donc c'était le pape Eugène IV à ce moment-là. Donc c'est ce que je vous disais pour montrer toute la filiation des papes, tout le lien qu'il y a. Et puis juste en dessous, donc les derniers, peut-être qu'on peut s'approcher un peu. Voilà, en bas à gauche, vous voyez l'empereur qui arrive à Constantinople. Et vous voyez une représentation en arrière-plan de la crucifixion de Saint-Pierre, donc la tête en bas, par humilité au Christ. Et puis alors sinon, là dans l'atrium, vous voyez aussi tous les personnages qui sont assis en haut. Ça, c'est les 32 premiers papes. Et parmi les 32, il y en a quand même 27 qui sont martyrs. D'ailleurs, vous voyez quasiment qu'ils ont tous la palme du martyr. Vous voyez aussi qu'ils sont tous saints, non ? Qu'il y a un S devant à chaque fois. Et puis, alors, on va reculer encore un peu. Voilà, au-dessus de la porte là qui est fermée, dont je viens de vous parler. Vous voyez la fameuse scène dont je vous parlais tout à l'heure, « Paix mes brebis ». Donc, vous voyez les brebis là qui sont en bas à gauche. Et le Christ donc, qui confie à Saint-Pierre ses directives au début. Voilà, et puis simplement, la dernière porte que vous voyez, tout à gauche, c'est ce qu'on appelle la porte de la mort. Parce que c'est là où les cercueils des papes passaient toujours par cette porte. Et donc, on retrouve là aussi plusieurs thèmes de la mort. Et nous, donc, on va rentrer là, par la porte des sacrements. Bon, là, qu'est-ce que vous en pensez en rentrant ? Plein de sentiments. Plein de sentiments. C'est vrai qu'on est impressionné justement par tout le décor qui est spécialement riche. Donc ça, c'est toute l'époque du baroque. Ce qui est impressionnant ici, c'est toutes les proportions. C'est-à-dire que la basilique Saint-Pierre, c'est la plus grande basilique au monde. Et on ne se rend pas du tout compte des proportions. Typiquement, toutes les lettres que vous voyez, donc c'est la phrase « Tu es Pierre et cette pierre, je bâtirai mon église » qui commence dans la coupole. Les lettres font 2 mètres. Vous voyez, d'ici, là, quand on regarde juste au-dessus, on a, c'est pas du tout l'impression qu'on nous est donnée. Donc on va avancer un petit peu, on va se mettre devant la statue de Saint-Pierre un peu plus loin. This is Veronica. She cleaned the face of Jesus as he was climbing up Mount Vesuvius. Donc c'est une statue en bronze du 13e. Et là, c'est la position typique de Saint-Pierre, c'est-à-dire que vous voyez en position d'enseignement, il est assis. Il a les deux clés dans sa main et de l'autre main, donc il bénit. Vous voyez qu'il y a deux doigts qui sont baissés. On dit que c'est pour montrer les deux natures du Christ, donc homme et Dieu. et 3 qui sont levés pour m'expliquer la Sainte Trinité. Et là, vous voyez que tout le monde passe sa main dessus. Et tout le monde défile. Il y a une queue qui se forme à l'intérieur de la basilique pour passer devant la statue de Saint-Pierre. Et chacun, en passant devant, lui touche le pied, lui caresse le pied. Et la pointe de ses pieds est totalement luisante et polie par le passage des mains des pèlerins. La place Saint-Pierre est remplie de monde. Des tribunes sont installées sur la place et puis sur le parvis de la basilique. Les gens sont venus nombreux avec des branches d'olivier ou avec des feuilles de palme. Certaines sont tissées en croix, tissées en forme de fleurs. Et chacun s'est installé. Il y a sur le parvis de chaque côté des tribunes qui sont réservées aux évêques et aux cardinaux. Donc il y a ces silhouettes rouges qui sont installées sur des chaises rouges et qui se confondent presque. Et voilà qu'arrive le cortège. Donc des enfants de chœur avec leurs aubes blanches qui portent des croix, des crucifix et des feuilles de palme, de très hautes, très grandes feuilles de palme qui s'agitent dans le vent. Donc c'est un long cortège qui emprunte les allées qui sont tracées sur la place Saint-Pierre. Donc un long cortège d'abord blanc puis vert à cause des feuilles de palme. On dirait comme une grande prairie ou une espèce de forêt qui s'avance vers l'obélisque. C'est un très très long cortège. Et puis voilà qu'arrive du fond de l'autre côté de la place, le pape, avec donc une calotte blanche et un grand manteau rouge posé sur ses épaules. Et il arrive pour rejoindre le cortège. Le pape attend sur le côté de s'insérer dans ce cortège. Alors le cortège fait le tour de l'obélisque. Et il continue de sortir par la porte de bronze qui est sous les colonnes du Bernin. Donc toujours des dizaines d'évêques avec leur manteau rouge et leur mitre blanche. Alors, le pape est arrivé là où tout le cortège s'est arrêté, entouré de cette haie de feuilles de palme. Et il va pour monter les marches qui vont le mener au pied de l'obélisque. Et donc arrive sur le parvis, à côté de l'autel, les évêques et les archevêques en pourpre, avec leurs barrettes noires, et puis les cardinaux en rouge avec la mitre blanche, la mitre des évêques, et ensuite le pape qui arrive donc tout à la fin du cortège pour s'installer à côté de l'autel où il va dire la messe des rameaux. Il y a beaucoup de photographes qui sont sur la terrasse. On est encadré par les statues du Bernin qui font près de 3 mètres de haut. Et tout autour de nous, il y a des photographes avec des gigantesques téléobjectifs qui mitraillent l'autel d'où la messe va être dite. Il y a des caméras. Le pape est en prière sur l'autel, sur le petit autel qu'ils ont installé juste devant son siège. Et donc il prie, il se relève, il a un bâton surmonté d'un crucifix à la main. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria Madre di Giacomo Maggiore e Giordes. Maëlys Godemel, on est là devant la basilique Saint-Pierre. Vous faites partie d'une association qui s'appelle Rencontre Romaine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à Rome, de participer, d'adhérer à cette association et de proposer ce genre de choses? Rome est hyper riche à plein de niveaux. Et puis aussi tout l'aspect spirituel derrière. Puis comment, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, là, de passer très près du tombeau de Saint-Pierre. Donc voilà, il y a peut-être des fausses reliques, des reliques où on n'est pas sûr, etc. Mais n'empêche que toute l'idée qui est derrière est hyper belle aussi, je trouve. Et est-ce que c'est important pour vous, Maëlys Godemel, que le pape soit à Rome, que vous soyez comme ça pendant quelques mois dans la proximité du Saint-Père? Est-ce que ça, pour vous, ça avait un sens, une importance? Est-ce que vous allez le voir, par exemple? Enfin, sa présence est vraiment marquante à Rome. D'une part, il y a l'Angélus le dimanche. Et puis, il y a toute la partie donc, pour les audiences papales le mercredi. Donc, j'ai déjà assisté à 3 audiences, dont une où j'ai pu être placée vraiment devant, donc j'ai pu le voir de très près. Je vais souvent le dimanche sur la place Saint-Pierre quand j'ai le temps pour écouter l'Angélus. Donc, c'est une petite prière très courte à la Vierge Marie qui a lieu à midi et quart. C'est extrêmement simple, on voit le pape qui apparaît sur la place Saint-Pierre, mais il y a quelque chose un peu du curé de paroisse qui va rencontrer ses paroissiens après la messe. Et donc un rapport assez simple finalement aussi. Et moi c'est plutôt ce que je goûte finalement. Alors près du Saint-Siège, c'est plutôt près du pape et de goûter finalement à cette simplicité aussi. Avant tout, au départ, Rome c'est la ville des martyrs, c'est la ville de Pierre et Paul. Et donc c'est tout ce chemin parcouru. À travers la vie de foi, à travers la dimension de culture aussi qui est très présente à Rome. Et donc c'est vraiment pour nous aussi plonger encore plus dans les racines vivantes de l'Église qui sont ici à Rome. C'est un pèlerinage, voilà. C'est un pèlerinage et c'est vrai que en général on vient pour un temps assez limité, donc où c'est assez dense, on passe dans différents lieux, prier. Et là c'est intéressant pour nous d'être là au quotidien. Donc du coup, il y a un autre rapport qui se fait à l'histoire. À travers, voilà, on peut aller régulièrement prier dans tel ou tel lieu qui est attaché à un moment important de l'histoire de l'Église. Pour vous, c'est important aussi cette présence de Saint-Pierre à Rome? Ah, tout à fait, oui. D'autant plus que nous avons la chance de pouvoir visiter les fouilles de Saint-Pierre. Donc sous la basilique Saint-Pierre, il y a quelques séminaristes de notre collège qui font cette visite. Et donc j'y suis allé en tant que touriste et je suis sorti des fouilles en tant que pèlerin. Et à la fin, on arrive devant la tombe de Saint-Pierre et naturellement, on se met en prière et donc cette dimension de pèlerin est très très présente. Ces fouilles ont été faites par des scientifiques pas forcément croyants, donc il y a une certaine objectivité dans les fouilles et dans les découvertes. C'est très important de voir que l'Église n'a pas peur de la vérité. Je crois que c'est des mots de Pie XII. Voilà, pour nous, c'est la confirmation de notre foi. Après, nous ne sommes pas une religion des pierres ou du livre, on est une religion de la personne avant tout. Et voilà, mais c'est très beau en tout cas de voir tous les pèlerins qui vont sur la tombe de Saint-Pierre, voir les prêtres du monde entier qui viennent célébrer au plus près du tombeau de Saint-Pierre. C'est quelque chose d'incroyable à voir. Puis aussi cet attachement au premier des apôtres, l'apôtre qui a son successeur dans la personne du pape. Voilà, et puis le collège, tout le collège épiscopal qui succède au collège apostolique. Et c'est vrai que ici à Rome, on touche cette collégialité. Le nombre d'évêques qu'on peut croiser, qui sont en visite ad limina, comme ça a eu lieu, je pense, l'année dernière pour les évêques français, c'est vraiment touché aussi au mystère de l'Église, que le Christ a voulu fonder l'Église, a voulu la bâtir sur Pierre. Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Dans les fouilles en fait qui ont été réalisées, on touche cette réalité en fait. Et pour vous, ce sont les restes de Saint-Pierre, Sœur Anna Ignaël? Saint-Pierre n'est jamais venu me le dire, hein. Mais je dis, il y a tellement de monde qui vient ici, et l'émotion que chaque groupe reçoit, je me dis, il y a quand même quelque chose qui se passe. Bon, et dans tout le monde, reste du monde, il n'y a jamais un endroit qui vous dit, il y a les restes de pierre. Personne d'autre ne revendique la tombe de pierre. Cherchez, il n'y a pas une capitale qui vous dit. Une fois la messe terminée, les haut-parleurs géants abandonnent la soupe d'orgue consensuelle de la cérémonie pour diffuser des mélodies sud-américaines hyper entraînantes et kitschissimes que la foule reprend en chœur. Au premier rang, en plein soleil, bien évidemment pas trop loin des photographes, une rangée d'handicapés en fauteuil roulant semble être en quête d'un miracle. Et soudain, la papa mobile est là. Sorte de 4x4 immaculé, frappé aux armes de Saint-Pierre, intérieur cuir, siège arrière surélevé et pivotant. Le pape monte les quelques marches couvertes d'un tapis rouge, c'est la star de la journée, et il se met debout dans la voiture pour faire signe de la main. Il remonte les allées de cette messe à ciel ouvert et la foule, dès qu'il s'approche, est en délire. Pourtant, il passe si vite qu'on a parfois à peine le temps d'apercevoir sa nuque. Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est à Pierre et à Pierre seul que Jésus a dit, paix mes brebis. Toi, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Merci à Marie-Françoise Baslez, Anaïck Merel, Paolo Liverani, Maëlys Godemel, le père Laurent Mazas, Jeanne-Marie Aviane, le père Bernard Ardoura et à l'association Rencontres Romaines. Extrait des films The Big Fisherman de Franck Borzage, Jésus-Christ Superstar de Norman Jewinson et Covadis de Mervyn Leroy. Lecture Nathalie Canoui, Archivina Anaï Morales, stagiaire Marie Daroussin, traduction Aurélien Traîneau, coordination et site Marie-Vonne Abolivier, Aurélie Marsay. Prise de son Christophe Goudin, Jean-Guilain Meige, Emmanuel Morse-Duncan. Mixage Valérie Lavalard. Dans l'ombre du Vatican, une émission de Perrine Kervran, réalisée par Véronique Samuilov.